L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Voici le portrait d'une association nancéenne, le MAN Nancy, mouvement pour une alternative non violente, un mouvement né dans les années 70, implanté partout en France et bien sûr à Nancy. Nous allons maintenant découvrir ses actions avec Philippe Plane, membre de la commission animation. Et pour commencer, qui sont celles et ceux qui font le MAN Nancy ? Ce sont des militants, des gens qui s'engagent dans la non-violence, c'est-à-dire qui sont persuadés que c'est à la fois notre objectif et à la fois notre moyen d'action, qui sont persuadés que, bien sûr, un certain nombre de problèmes actuels menacent notre société humaine et qu'il y a moyen d'améliorer les choses par la non-violence. À Nancy, pour faire un peu le portrait de l'association nancéenne, combien d'adhérents, combien d'acteurs compte l'association ? Nous avons à ce jour 62 adhérents sur la Meurthe-et-Moselle. Tout le monde n'est pas militant ou alors peut l'être à ses heures, hein, selon ses disponibilités. Alors pour votre cas plus précisément, quel est votre rôle et comment en êtes-vous venu justement à vous impliquer dans cette association ? Alors moi je suis membre du comité d'animation. Alors à titre personnel, moi je suis persuadé depuis toujours, je dirais depuis mes 20 ans, de la nécessité de la non-violence. De quelle manière faites-vous la promotion de la non-violence ? Et vers qui en priorité ? Alors, on s'adresse à tous les publics, à tous les âges même, hein, puisque on va s'adresser aussi bien aux enfants à travers l'éducation qu'aux adultes. Tous les âges et tous les milieux pour nous sont concernés. Vous intervenez dans les écoles ? Vous intervenez Alors on intervient et dans des écoles. On intervient même dans des prisons par rapport aux prisonniers. On fait une formation. Le MAN Nancy organise régulièrement des ateliers, des formations. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce qu'il y a différents rendez-vous qui sont programmés un peu régulièrement. Oui, donc récemment, il y a eu une journée de sensibilisation à l'action non violente dans laquelle on apprenait à mener une action de façon non violente. Comme par exemple une action qui dénonçait l'évasion fiscale, les faucheurs de chaises. En ce moment, une actualité sur Bure, où il y a des actions à mener. Voilà, nationalement, il y a l'exemple aussi de Notre-Dame-des-Landes. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. Bientôt, il y a une formation sur apprendre à vivre les conflits avec sérénité, avec l'approche ludique et interactive du Théâtre Forum. Donc c'est sur le thème du Théâtre Forum. Donc ça, ce sera les début mars, hein, les 8 et 9 mars début à l'MJC des Trois Maisons. À l'MJC des Trois Maisons. Donc ça, c'est pour les rendez-vous les plus proches, en tout cas. Il y a aussi ce week-end l'Assemblée Générale du MAN Nancy, qui sera suivie du Théâtre Forum, justement. Et là, on peut peut-être dire un mot sur ce Théâtre Forum, qui sera donc animé par le groupe Amstram MAN. Comment ça se passe, un Théâtre Forum ? Alors le Théâtre Forum, c'est une scénette où une série de scénettes qui sont jouées, qui sont préparées par un petit groupe donc d'acteurs, et qui sont jouées, et on propose ensuite au public de venir remplacer un des acteurs dans son rôle, dans une petite scène. De façon à ce que le public puisse se dire, bah tiens, ça aurait pu se passer autrement, ça aurait pu se passer mieux, et moi je propose que ça se passe comme ça. Donc il vient et il va jouer à la place d'un des acteurs. C'est une technique qui a été inventée par Augusto Boal dans les années 70, si je ne me trompe, qui visait à ce que les gens des quartiers les plus pauvres en Amérique du Sud puissent résister à un certain nombre d'oppressions, hein, pour s'entraîner en quelque sorte à vivre des situations difficiles. C'est à découvrir ce week-end, donc à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura lieu à la MJC Nomade, 13 allée de Fribourg à Vendeuvre. On peut retrouver donc tous les rendez-vous proposés par le MAN sur votre page Facebook, notamment MAN Nancy, c'est bien ça. Voilà, si vous êtes adhérent du MAN ou même simple sympathisant, vous pouvez recevoir un petit revue qui s'appelle Les Échos du MAN. Il suffit pour ça d'avoir eu un contact avec nous, d'avoir laissé votre mail ou votre adresse. Merci à Philippe Plane. Pour découvrir plus encore le mouvement pour une alternative non violente, vous pouvez vous rendre sur leur site internet nonviolence.fr, sur Facebook. Donc MAN Nancy, MAN Nancy, pour vous tenir au courant des prochains ateliers et des prochaines formations. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.